my best friend. Come and be near me, my love, when I'm alone. And cover me with your joy when I'm sad. Jesus, you'll never leave me alone. Jesus, you'll never leave me. My daily bread, every day, every night, when I feel hungry, you are the water of my life. When I'm thirsty, Jesus, you'll never leave me alone. Jesus, you'll never leave me. On my direction, you will lead me every day in your life. You will show me your genuine way when I'm lost. Oh, Jesus, you'll never leave me alone. Jesus, you'll never leave me. Ami, viens et sois près de moi quand je suis seul, quand je suis très triste. Pour moi de joie, Jésus, ne me laisse pas tout seul. Jésus, ne m'abandonne pas. C'est mon père quotidien, tous les jours et soirs quand j'ai faim. Tu es l'eau de ma vie quand j'ai soif. Jésus, ne me laisse pas tout seul. Jésus, ne m'abandonne pas. Tu me conduis tous les jours dans ta lumière. Tu me montres la vraie voie quand je suis perdu. Jésus, ne me laisse pas tout seul. Jésus, ne m'abandonne pas. Jesus, you'll never leave me alone.